Le rire et les larmes, par Eugène Mouton. Nous allons devant nous, mornes, éreintés de fatigue, traînant les pieds tout le long de cette platitude éternelle qu'on appelle le chemin de la vie. Route si banale, si invariablement et implacablement bordée des mêmes arbres et des mêmes tas de cailloux, qu'elle nous ôte jusqu'à la ressource suprême des désespérés, l'ennui. Car enfin, l'ennui, c'est encore un intérêt. On se plaint, on se fait plaindre, et surtout, on ennuie les autres. Mais ici, pas même cela, rien. Rien que l'irrémédiable dans l'affadissement, l'absolu dans l'insipidité. Vous les connaissez comme moi, n'est-ce pas? Ces moments redoutables, où le sentiment et la raison semblent prêts à s'effondrer sous le poids des réalités de la vie. Tant l'homme se sent alors écrasé par l'évidence de sa misère et de sa sottise. Mais rassurez-vous, tenez bon une minute, et avant que j'aie fait 20 pas, le voyageur qui me suit ne pourra pas s'empêcher de dire, lorsqu'il passera devant vous, « Voilà un homme heureux !» Un accident ridicule, une maladresse, un maudit de travers, une mouche qui vole, un souffle, un rien, et le rire béni, aura en un clin d'œil transfiguré votre corps et rempli votre âme d'une pure joie. Pendant quelques instants, la surprise et le plaisir auront fait de vous un des heureux de la terre. Et quand vous aurez repris votre sérieux, ce monde qui vous semblait si lugubre vous paraîtra prendre un air de fête. Comme toutes les merveilles de la nature, le rire est un mystère. Il faut entendre des philosophes profonds et convaincus disserter là-dessus. Ils vous en font venir la chair de poule. C'est qu'en effet, savez-vous que c'est bien effrayant de rire sans savoir pourquoi on rit? Pour ma part, j'en fus bouleversé, la première fois qu'on me fit entrevoir cet abîme. Mais enfin, en me raisonnant, je m'y suis fait, j'en ai pris mon parti, et au lieu de méditer, j'en regarde. C'est charmant à voir. Dans les premiers instants, on voit passer sur le visage une espèce de souffle à peine sensible. Bientôt, les paupières inférieures clignent légèrement, les coins de la bouche s'accentuent, se creusent, les lèvres se resserrent, les yeux s'ouvrent, c'est le sourire contenu. Mais ce n'est pas assez. Si la chose est vraiment amusante, les lèvres s'écartent, les dents paraissent. Les muscles des joues se contractent et relèvent les coins de la bouche vers les tempes. Les narines s'ouvrent, la respiration se précipite. Oh, oh, mais c'est décidément très drôle. Et la tête se renverse. Le corps s'agite de soubresauts convulsifs. Les bras se contractent et se serrent contre le ventre. Peu à peu, le rieur s'accroupit, se tord, perd l'équilibre, tombe, se roule en poussant des cris. Il a mal aux côtes, il a la colique, il est mort. Heureusement ou malheureusement, les choses à mourir de rire ne se rencontrent pas dans cette vallée de larmes aussi souvent qu'on pourrait le craindre ou le souhaiter. De sorte qu'en dehors de ces décès d'ailleurs très gais, il reste encore dans la gamme du rire de quoi satisfaire les amateurs plus modestes qui savent se contenter d'un petit dérangement d'estomac, d'un point de côté ou d'une bretelle cassée, ce qui est déjà fort joli. Car on ne rit pas toujours en ce monde, et si le voyageur qui passait tout à l'heure revenait sur ses pas, vous qui riez de si bon cœur, il n'y a qu'un instant, peut-être il vous trouverait tout en pleurs. Quoi? Pleurez-vous pour tout de bon? Prenez garde! Des yeux rouges et gonflés, des traits qui se contractent ou se boursouflent, des injections sanguinolentes sur tout le visage, un nez qui s'enflamme, des traînées luisantes qui zèbrent les joues, composent au demeurant une des plus vilaines grimaces du monde. Si vous voulez me toucher et m'attendrir, mon cher monsieur, ne soyez pas si laid. Mais que les pleurs sont beaux quand ils coulent lentement, en silence, de deux grands yeux bleus ou noirs, que, suspendus à de longs cils, ils y tremblent un instant, et puis roule sur des joues pâlies par une douleur qui ne veut pas rougir. Une attitude désolée, des gestes de découragement, l'abandon de toute la personne, viennent se joindre à l'éloquence muette des larmes. Les lèvres entr'ouvertes, les yeux levés au ciel, la tête languissamment renversée, achèvent l'image touchante de la douleur vraie, et font entrer du même coup dans l'âme l'attendrissement et la conviction. C'est ainsi que pleurait la Madeleine. Mais vous me direz qu'elle avait une des femmes les plus belles et les plus amoureuses de son temps, et je conviendrai loyalement avec vous que la beauté jointe avec le repentir donne beaucoup de charme à l'expression. Tel est du moins l'effet expressif des larmes lorsqu'elles coulent dans des conditions suffisamment sérieuses et qu'elles sont à la fois justifiées par la situation et contenues par la dignité d'une douleur vraie. Car il n'y a rien plus détestable au point de vue de la conscience, de plus laid au point de vue de l'art, que ces pleurnicheries insignifiantes, excrétions pures et simples, produits sans valeur et sans intérêt, de l'aigreur ou du dépit, larmes feintes, vrais mensonges liquides, que l'hypocrite fait ruisseler à commandement à travers ses grimaces de douleur. Rires et larmes, voilà l'histoire de presque toute notre vie, car en dehors du plaisir et de la douleur, le reste, ma foi, ne vaudrait guère la peine de vivre. Aussi, malheur à ceux qui n'ont jamais su rire ni pleurer. Malheur, et plus inévitablement qu'on ne pense, car c'est parmi ces êtres sans chagrin et sans joie qu'on trouve les pessimistes, les athées, les criminels, les ennuyeux, toute créature malfaisante qui se venge de leur manque de cœur et d'esprit en insultant à ce qu'ils ne peuvent ni sentir ni comprendre. Ah, c'est que parmi les titres de noblesse qui nous élèvent si fort au-dessus des bêtes, le rire et les larmes sont un apanage exclusif de l'homme. On peut discuter, ergoter, chicaner, tant qu'on voudra sur les autres traits de la nature humaine, mais sur le rire et les larmes, non. Il n'y a qu'un être au monde qui rit et qui pleure. C'est l'homme. C'était « Le rire et les larmes » par Eugène Mouton.